Sous les branches, la nuit s'éveille. Chaque mot tombe, chaque souffle s'en mêle. Près de ce qu'il murmure, son nom s'élève. Les viewers écoutent, le temps s'achève. Ton nom caresse la lumière. Chaque phrase brille, chaque souffle éclaire. Ton souffle pèse comme vent d'été. Chaque mot chante, chaque phrase éclaire. Riderskill, le charme, ses murmures liés. Les viewers s'émergent, happés, figés. Ton nom s'écrit dans ma peau. Chaque syllabe brûle, chaque mot est flambeau. Les arbres chantent, les ombres s'inclinent. Chaque mot tombe, chaque souffle s'aligne. Ride a skill ring, sa voix m'obsède. Les viewers succombent, happés, possédés. Obsession reigns, consuming all. Des mots s'élancent comme feuilles au vent. Chaque phrase danse, chaque souffle m'attend. Rider skill charme, son nom m'attache. Les viewers tremblent, happés sans relâche. Chaque moment chante, chaque phrase explose. Le bois expire, la lune s'incline. Chaque mot tombe, chaque souffle s'aligne. Riderskill règne, son nom s'impose. Les viewers s'élancent, happés, moroses. Chaque mot s'arrache. Ton ombre danse dans la lumière douce. Chaque mot guide, chaque souffle pousse. Riderskill charme, ses murmures serrés. Les viewers vibrent, happés, figés. Je répète ton nom dans la nuit. Chaque mot m'attache, chaque souffle me suit. Whisper deeper. Charme son nom demeure. Les viewers vibrent, guidés par son ardeur. Chaque mot s'éteint dans